Ça vient du 7-7-7-7. Ouais. 08-02-9-9, on me sort de ma Audi. La SRPJ me bluffe à croire que je suis maudit. On te fait partir fort la rhum, on sortait deux chauves-souris. Une cagoule sous mes seufs. Putain, c'est bien lui, me voilà menotté, escorté au poste Gagny. Une GAP qui semble être d'une durée indéfinie. Y'a pas de blême, j'assume, j'irai au casse-pipe. Ils sont enfermés, ma meuf m'ont refait même mon pit. Aucun port sexy, je sais que ce sera sexy. Je reste inflexible, je sais que ce sera fleuri. Je suis pas anéanti, mais j'ai niqué le délire, elle est trop loin la sortie. J'ai pu d'y réfléchir, j'tape la barre en promenade et j'passe à la télévision. Les criminels et les malades sont mes nouvelles fréquentations. De toute façon, y'a rien de carré, ça ne tourne pas rond. J'm'en veux d'avoir sali le nom du taron. La tête entre les mains quand le destin bloque. Quand le destin bloque, quand le destin bloque. Sans soumettre, on a traversé les époques. Quand le destin bloque, quand le destin bloque. On a brisé les fenêtres et fracturé les portes de balle. Live and direct, écrase tous les chocs. T'as beau faire le mec, le destin s'en moque. Quand le destin bloque, quand le destin bloque. Putain de vie romanesque, rempli de rebondissements. Itinéraire de jumeaux qui avait le son dans le sang. 7 ans de malheur, par bonheur tout est fini. Loin de moi le temps des parloirs de semi. Qu'on dit 9-9, je suis un solo pour moi c'est tout neuf. Vu que je traîne, je rappe, je fais tout avec mon ref. Expolé de R, Philorix, suite, on sort le M à 3 albums. Dans la street, on perd Nono, Nordo et Red Lion. Dans la musique, je me considère comme un naufragé du temps. En Afrique, j'ai vu que tu souffres et tu t'amuses en même temps. Notre longue séparation a fait de nous deux étrangers. Notre passion devenue profession, les choses ont changé. Les petits sont plus tenaces, les gosses grandissent et prennent la place. Le passage du franc à l'euro nous a rendu plus rapaces. Plus coriaces, nous ne sommes pas arrivés au bout. Compte bien sûr, 2BAL en 2-0-Z-2. La tête entre les mains quand le destin bloque. Quand le destin bloque, quand le destin bloque. Sans soumettre, on a traversé les époques. Quand le destin bloque, quand le destin bloque. On a brisé les fenêtres et fracturé les portes de balle. Live and direct, écrase tous les chocs. T'as beau faire le mec, le destin s'en moque. Quand le destin bloque, quand le destin bloque. J'ai jamais arrêté la zic, interpellé par la police. En captivité de 99 à 2006. Concert au CJD en 9-6, les SS. Flip. 3 piges après je me retrouve au star avec mon public. J'ai vu Iqbal, McTayer, Alino et Cynic. On a invité Holker, Ineg, Marron, Diam, c'est pit. Et hop, je rejoins la clique pour quelques mois d'aérobic. Noir fort, conçu pour durer, personne abdique. J'avais laissé le bic, mais mon Waterman glisse. Dans cette vide merde, il faut un peu de piste. Un passage de la story des Queens. Après la pluie, le beau temps. De la beatbox au BBMC à maintenant. La tête entre les mains quand le destin bloque. Quand le destin bloque, quand le destin bloque. Sans soumettre, on a traversé les époques. Quand le destin bloque, quand le destin bloque. On a brisé les fenêtres et fracturé les portes de balle. Live and direct, écrase tous les chocs. T'as beau faire le mec, le destin s'en moque. Quand le destin bloque, quand le destin bloque. La tête entre les mains quand le destin bloque. Sans soumettre, on a traversé les époques. On a brisé les fenêtres et fracturé les portes de balle. Live and direct, écrase tous les chocs. T'as beau faire le mec, le destin s'en moque. Quand le destin bloque, quand le destin bloque.